ont en commun le frelon asiatique, le rat musqué, le phylloxéra et votre gros matou qui ronronne paisiblement sur votre canapé. Eh bien, tous sont des espèces dites invasives, c'est-à-dire des espèces qui, lorsqu'elles sont importées, déplacées, introduites dans un autre environnement que le leur, ont des conséquences destructrices, dramatiques sur ces écosystèmes préservés. Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd'hui la troisième cause d'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Elles sont impliquées dans la moitié des extinctions connues et leur coût économique est exorbitant. Alors comment réguler ces espèces et comment prévenir leur prolifération ? Espèce nuisible, la grande invasion, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet épineux problème et les diverses solutions à lui apporter, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Elsa Bonneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en écologie à l'Université Paris-Sud. Bonjour Franck Courchamp. Bonjour. Vous êtes chercheur en écologie, directeur du recherche CNRS. Vous travaillez tous deux au laboratoire écologie systématique et évolution, donc à l'Université Paris-Sud à Orsay. On ne perd pas les bonnes habitudes. Vous nous écoutez sur les ondes, mais vous pouvez nous suivre également, comme tous les jours, sur notre fil Twitter, la méthode FC, où on va poster tous les jours, au fur et à mesure de notre conversation, des liens vers des études, vers des illustrations pour enrichir votre écoute de cette émission. Mais pour commencer, on fait un petit saut dans le passé. Alerte dans la presqu'île du Cotentin. Deux villages, ceux d'Urville et de Nacqueville, sont menacés par une invasion de rats musqués. Mais à l'instant, la secrétaire de mairie, madame Costil. Madame Costil me signalait qu'elle avait vu de ses propres yeux et que des enfants avaient vu passer à proximité de la mairie, des rats musqués. Mais même les enfants n'ont vu pénétrer un tout à l'heure dans la cour. Mais c'est peut-être là la richesse du pays, savez-vous, monsieur le maire, parce que c'est une fourrure assez appréciée. Oh non, non, on n'apprécie pas. On peut l'apprécier en élevage, mais en liberté, j'en doute fort, parce que je crois que les cultivateurs appréhendent énormément de voir ces animaux-là dans leur herbage et dans leurs champs. Ça fait des cavernes et c'est dangereux pour les animaux. Les animaux ne voient pas, puis ils tombent dedans. Il y a là le garde champêtre, monsieur. Monsieur Fleury. Alors, monsieur Fleury, vous avez affaire, vous êtes le premier personnage de cette lutte contre l'invasion des rats musqués. Ouais, et il a fallu vous arriver pour que sache, évidemment, qu'à Urville, il y avait des rats musqués, parce que personne n'en avait pas encore parlé à ce moment-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Les détruire. Les pourchasser, oui. Oui, les pourchasser, les pourchasser. Par quel moyen? Par quel moyen? Empoisonnement, c'est-à-dire piège ou n'importe quoi. Comment est-ce fait hein? Eh bien, c'est plus gros qu'un rat ordinaire. Ça a les pattes palmées et une queue aplatie. Une queue assez large, un peu dans le genre du castor, je pense. Oui. Eh bien, je souhaite, madame, que tous les habitants d'Urville s'y mettent et fassent une battue fructueuse et qu'ainsi vous puissiez vous habiller prochainement de rats musqués. Oui, il est temps parce que je crois qu'à mesure que la saison va s'avancer, la peau aura moins de valeur. Voilà, l'histoire ne dit pas si les habitants d'Urville furent en cet hiver de 1959 vêtus de fourrures de rats musqués ou non. C'était une archive de la radiodiffusion française dénichée par notre réalisateur Olivier Bétard. Comment est-ce que vous entendez l'un et l'autre en tant qu'écologue, cette archive et cette invasion de rats musqués? Qui veut commencer? Elsa Bonneau. Allez, pourquoi pas. Déjà, moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est que on est en 1959 et que finalement, le problème, il est d'autant plus d'actualité encore aujourd'hui et que finalement, on a peu avancer dans les moyens de lutte de ces espèces envahissantes. Et c'est vrai que autant on prend conscience assez rapidement du problème, autant pour trouver des solutions et pour être vraiment effectif, pour que ça ait après un impact positif sur la biodiversité, on voit qu'en 2018, on a avancé, hein, ça c'est sûr, hein, surtout sur des écosystèmes insulaires, on y reviendra certainement tout à l'heure. Dans un instant. Mais c'est sûr qu'au niveau continental notamment, on est presque toujours au même point. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire? Et une fois qu'elles sont là, surtout, ça c'est le problème, comment on peut lutter contre ces espèces envahissantes? Franck Courchamp. Oui, j'avais exactement la même réflexion. Ça fait plus d'un demi-siècle. Et on pourrait, si on change un petit peu la façon de parler, qui était très radio, 1950-60, on pourrait avoir un reportage comme ça maintenant. On a des invasions avec des espèces très différentes, un petit peu partout en France, un petit peu partout dans le monde. Et on est face au même désarroi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Est-ce que ça pose vraiment un problème ou pas? Ce sont les mêmes bonnes questions. C'est les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse au cours de cette heure. Peut-être simplement commencer par définir ce qu'est une espèce invasive. Qu'est-ce qui détermine à un moment donné un seuil d'invasivité ou d'invasion ? Alors en fait, il ne s'agit pas vraiment de seuil. Le terme d'invasif ou d'envahissant, parce que invasif, c'est l'anglicisme qu'on devrait essayer d'éviter d'utiliser. Alors disons les espèces envahissantes. Donc les espèces envahissantes, ce sont par définition des espèces qui viennent d'ailleurs. Ce sont des espèces qui n'ont pas évolué dans un écosystème, dans l'écosystème cible sur lequel on s'intéresse, et que l'homme a apporté, volontairement ou involontairement. C'est à partir du moment où cette espèce qui est importée réussit à s'établir et se dissémine et pose des problèmes écologiques et ou économiques, qu'on parle d'espèces envahissantes. C'est-à-dire que les espèces qui sont importées ne sont pas toutes envahissantes. Il y a plein d'espèces par exemple les espèces cultivées, le riz, le maïs, la pomme de terre, c'est des espèces qui sont introduites et qu'on est bien content d'avoir parmi nous. Et il y a un petit pourcentage de ces espèces qui échappent un petit peu à cette règle et qui deviennent envahissantes parce qu'elles sont problématiques. Alors c'est vrai que je précise qu'on va surtout parler au cours de cette heure des espèces animales. On pourrait consacrer une émission entière aux espèces invasives ou envahissantes végétales. On va se concentrer surtout sur la faune. Est-ce qu'il y a, Elsa Bonneau, des caractéristiques, un portrait type d'une espèce envahissante ? Oui, oui. Bah alors, si on reste dans le domaine animal, oui, effectivement, c'est aussi valable pour le domaine végétaux. On appelle ça des traits biologiques qui sont très importants et qu'on connaît. Et du coup, justement, on pourrait un peu mieux prévenir ces phénomènes d'espèces envahissantes parce qu'on connaît les traits biologiques qui les caractérisent. En général, c'est des espèces qui sont très, très généralistes, qui mangent de tout, de n'importe quoi, et qui ont un régime alimentaire, on va dire, en général omnivore. Elles ont une très, très bonne capacité de reproduction. Donc en général, elles font plusieurs petits par an, même plusieurs portées par an. Et également, elles ont une forte capacité de dispersion. Elles s'adaptent très bien à de nombreux climats, de nombreux milieux. Et donc, elles ont une capacité de résistance qui est vraiment importante. Et en règle générale aussi, elles ont un fort pouvoir compétiteur. Donc elles arrivent à très bien être compétitrices par rapport aux autres espèces. Et donc du coup, au fur et à mesure, elles les chassent. Et soit elle les consomme, elle les prédate, soit elle rentre en compétition pour la ressource ou pour l'habitat. Et donc petit à petit, elle diminue les autres espèces qui sont natives du coup de cet écosystème. Franck Courchamp, c'est ça, c'est des profils d'espèces qu'on appelle très très généralistes, par opposition à des espèces spécifiques qui sont énormément spécialisées sur des écosystèmes, on va y revenir, qui sont en général fermés. Voilà, c'est un petit peu plus simple d'imaginer une espèce qui a un régime alimentaire très étroit, des conditions de vie extrêmement particulières, elle va avoir plus de mal à s'implanter dans un nouvel écosystème. Alors qu'une espèce qui a un régime alimentaire large ou flexible et d'autres flexibilités écologiques va être non seulement plus adaptable, mais va pouvoir trouver beaucoup plus de terrain. Maintenant, on a aussi des espèces qui sont un petit peu différentes. On n'a pas forcément que des omnivores, on peut avoir des prédateurs purement carnivores, on peut avoir des herbivores comme les chèvres ou les lapins qui sont des envahisseurs terribles, surtout dans les milieux insulaires. On peut avoir des insectes qui mangent du bois. Donc il y a malheureusement, au-delà de la théorie qui vient d'être énoncée, on n'a pas un portrait robot très très précis parce que les espèces envahissantes, c'est une myriade de possibilités. Est-ce que on a aujourd'hui, on peut quantifier le nombre d'espèces envahissantes au niveau planétaire, au niveau mondial, ou est-ce qu'on peut quantifier d'une autre façon peut-être les dégâts apportés, les dégâts subis par ce type d'espèces? Elsa Bonneau ? Mais alors c'est deux questions parmi les questions fondamentales qui restent très peu documentées. Enfin, à titre d'exemple, pour l'Europe, on estime, c'est pareil, c'est des estimations, des chiffres très globaux, qu'il y a environ 12 000 espèces exotiques qui ont été introduites. Mais attention, elles ne sont pas toutes envahissantes. C'est ce que disait Franck tout à l'heure. Et donc, de ces 12 000 espèces, on estime qu'il y a environ entre 5 à 10%, soit qui sont problématiques, soit qui peuvent ou qui pourraient poser problème dans le futur. Voilà, donc, ces espèces-là sont donc des espèces qui sont introduites, c'est-à-dire que ce sont des espèces qui ne sont a priori pas autochtones au continent européen. Exactement. C'est des espèces qui ont été apportées, comme on l'a dit Franck tout à l'heure, soit volontairement, soit involontairement par l'homme. Et alors, on peut peut-être en parler là maintenant. Il y a énormément de vecteurs d'introduction. Mm-hmm. Et donc, ça a été justement par tout ce qui est déplacement humain. Donc tout ce qui est navires, les bateaux, les aéroports, hein, maintenant tous les déplacements humains. En fait, le problème qu'on a maintenant, quand on travaille dans la biologie des invasions, c'est qu'on est dans une économie de marché et dans un déplacement de l'espèce humaine, hein, et qui est complètement globalisé, mondialisé. Et donc finalement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus ces barrières géographiques qu'on avait il y a quelques siècles encore en arrière. Et donc forcément, en se transportant nous-mêmes, on transporte énormément d'espèces de façon volontaire ou involontaire. Franck Courchon. Oui, on a même des études qui sont très intéressantes, qui montrent une corrélation très très forte entre le volume des échanges, que ce soit touristiques ou commerciaux au niveau mondial, et le nombre de nouvelles introductions. Donc comme on sait qu'on est dans une période d'augmentation de la globalisation de tout ça, on est effectivement aussi dans une période de globalisation de la biodiversité, et on a un nombre d'espèces introduites et de nombre d'espèces envahissantes qui est en augmentation, qui diminue des fois lorsqu'on a des événements historiques comme les deux guerres mondiales, comme une crise économique, et puis qui se remet à augmenter. Et il y a d'autres études qui montrent que pour le futur, les projections sont continuellement à la hausse. En tout cas, il n'y a pas de saturation qui arrive. On va avoir, pas en nombre d'invasions, mais en nombre d'espèces envahissantes également, de plus en plus de cas partout dans le monde. On arrive à quantifier. Alors, c'est très, très compliqué, hein. Il y a différentes études où on lit un peu des grandeurs, des hauteurs assez, assez distinctes en fonction des études qu'on peut consulter. Mais du coût global de ces espèces envahissantes pour avoir une idée de valeur. Les coûts sont, malgré les apparences, difficiles à quantifier, parce qu'il s'agit de coûts très différents, des fois des coûts indirects. Parce que les espèces envahissantes n'ont pas que des effets sur l'économie ou sur la santé humaine, ça a des effets principalement sur la biodiversité. Et lorsqu'on a une espèce qui disparaît, par exemple, quel est le coût, quelle est la valeur d'une montagne qui est ravagée ou d'une forêt ou d'une espèce qui a disparu. Donc les coûts sont limités aux aspects économiques. Et là, il n'y a pas encore beaucoup de synthèse. On est en train de travailler au laboratoire sur une grande synthèse mondiale sur tous les groupes d'animaux et de végétaux. Pour l'instant, on a publié uniquement quelque chose sur les insectes. Et on a là des coûts qui sont énormes. Si on considère qu'on a pris à peu près une vingtaine d'insectes, on en est à 70 milliards de dollars par an de coûts juste sur les insectes, de coûts documentés, c'est-à-dire que, et on sait aussi que c'est une très grande sous-estimation du coût normal rien que pour ces espèces là. Je disais tout à l'heure Elsa Bonneau dans l'introduction que ces espèces envahissantes sont impliquées dans la moitié des extinctions connues. Ça paraît être démesuré, enfin ça va être une grande grande quantité quand même. Oui, c'est énorme. Alors après, c'est toujours pareil, c'est des estimations globales. On n'a jamais des chiffres précis de l'ensemble de ces espèces envahissantes. Mais oui, effectivement, il y a énormément d'espèces qui ont disparu. En fait, du fait de cette globalisation, et en gros, on assiste un peu à une homogénéisation de la nature. En fait, c'est ça un peu, c'est vraiment ça, moi, je trouve, le maître mot, le gros problème de... Finalement, c'est pas très grave s'il y a une espèce qui disparaît quelque part sur une île, s'il y a une espèce ou deux qui disparaissent sur le continent. On appelle ça en général, enfin, c'est un peu moins vrai dans les îles, mais sur les continents, il y a ce qu'on appelle une redondance écologique, et s'il y a une espèce qui disparaît, il y a certainement une autre qui peut prendre la place parce qu'elle a un peu la même fonction, un peu les mêmes services écosystémiques. Mais le problème, c'est que finalement, c'est pas une ou deux espèces qui disparaissent de ci, de là, c'est plusieurs, et le rythme de disparition des espèces s'accélère. Alors, il y a d'autres causes que les espèces envahissantes, mais les espèces envahissantes en font partie. Et c'est sûr que c'est ça, finalement, qui nous alarme le plus, parce qu'on est dans une espèce d'homogénéisation. Et finalement, je caractérise un peu, mais si on continue comme ça, si on n'arrive pas à freiner un peu ce rythme d'invasion, on va se retrouver avec des vaches, des chèvres, des cochons, des moutons et quelques plantes, du coup, qui sont très, très largement dispersées, et c'est tout, finalement. Franck Courchon. Oui, effectivement, là, on parle des espèces qui se sont éteintes et qui sont dues pour presque moitié, entre autres, à des espèces envahissantes, mais... Pour ce qui est de l'actuel et du futur, les invasions biologiques, c'est également la seconde menace sur la biodiversité. Alors pourquoi est-ce que c'est une menace ? Parce que c'est pas tellement un problème si on avait juste une espèce qui se balade là où elle devrait pas être. Le problème, c'est que si une espèce arrive dans un écosystème, elle va nécessairement avoir un effet, elle va prendre la place d'une autre espèce, ou elle va manger une autre espèce, ou être compétitrice d'une autre espèce, et que les espèces de l'écosystème qui reçoit cette espèce n'ont pas évolué pour répondre soit à cette prédation, soit à, cette, à un herbivore, soit à cette compétition, et donc ne vont pas développer des défenses, que ce soit des défenses physiologiques. Par exemple, pour les herbivores, il y a pas, les plantes souvent n'ont pas d'épines ou n'ont pas de toxines, ou alors ne repoussent pas très très vite lorsqu'ils se font manger. Pour les proies, les proies ne se cachent pas, elles se reproduisent pas très vite, etc. Et donc l'impact peut être très important. Lorsqu'on a une espèce envahissante, c'est pas forcément juste parce qu'elle est là et parce qu'elle est là en grand nombre, c'est parce qu'elle a un effet sur la biodiversité, sur les espèces avec lesquelles elle va interagir. Oui, avec un système qui se rétablit moins facilement, moins rapidement. Peut-être un mot sur la nature de ces espèces. Est-ce qu'il y a des espèces animales qui sont particulièrement problématiques, qui partout où elles passent font particulièrement de ravages, qui sont particulièrement pointés comme étant justement l'essence même de ces espèces envahissantes? Qui veut répondre à ça, Franck Courchamp? Alors, il y a des espèces qui sont très emblématiques dans les espèces envahissantes. À une époque même, on mettait beaucoup en avant les 100 espèces parmi les pires. Alors, il n'y avait pas que des animaux, il y avait aussi des plantes, des micro-organismes qui étaient parmi les pires au niveau des invasions pour différentes raisons, mais souvent pour des raisons d'impact écologique. Par exemple ? Alors, par exemple, on a les rats, on a les trois espèces de rats qui sont très problématiques, surtout dans les îles. On a les chats aussi, qui sont très problématiques. Gilles Boeuf en parlait à ce micro en disant que les chats sont une vraie plaie, notamment sur les milieux insulaires. Voilà, les herbivores, je parlais des chèvres et des lapins tout à l'heure, donc ça c'est pour parler des mammifères. Après, on a pas mal d'insectes aussi qui posaient problème. Les moustiques, pas seulement parce qu'ils nous font bis-bis dans les oreilles, mais parce qu'ils peuvent apporter des maladies. Ils sont vecteurs de virus. On a les fourmis qui posent aussi pas mal de soucis. On a pas mal d'insectes qui posent de gros problèmes à l'agriculture, à la foresterie. Il y a aussi tout ce qui est marin. Nous, on est plutôt spécialisés sur ce qui est terrestre et insulaire, mais il y a tout ce qui est marin aussi qui pose énormément de problèmes. Il y a beaucoup d'invertébrés. Il y a certains poissons aussi qui commencent à remonter vers les pôles au fur et à mesure que le climat change. Donc, le problème des invasions biologiques, un des problèmes des invasions biologiques, c'est qu'il y a énormément d'espèces différentes et qu'il n'y a pas une phase comme pour le changement climatique ou la déforestation. C'est beaucoup d'espèces et c'est difficile du coup pour les gens de mettre un visage derrière ce concept d'invasion biologique. Elsa Bonneau, sur ces espèces particulièrement nuisibles, le rat, le chat, en fait, on vous disiez tout à l'heure que ça augmente avec aujourd'hui la communication, les voyages, la mondialisation, mais finalement, les premières espèces invasives datent des premiers grands voyages, des premières grandes traversées de l'homme, avec effectivement des rats qui ont fait des désastres dans les îles du Golfe du Mexique, notamment. Oui, tout à fait. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, les introductions, ça ne date pas d'hier, hein, c'est très très ancien. Et le problème, c'est qu'au plus on remonte dans le temps, au plus on est un peu comme un archéologue là, qui essaye d'avoir un petit peu des informations sur combien finalement d'espèces ont disparu il y a 200, 300, 400 ans. Et c'est très compliqué parce qu'au plus on fouille dans le passé, au moins on a d'indices sur ces espèces qui disparaissent. Et effectivement, souvent, quand on regarde dans les milieux insulaires, on voit que finalement, les communautés des oiseaux, elles sont peu diversifiées. Il n'y en a pas énormément, mais finalement, on se rend compte que y a eu des introductions de mammifères, comme les chats, comme les rats, qui ont eu lieu à ces époques-là. Et finalement, on n'arrive pas trop à faire la part des choses. On se dit, est-ce qu'effectivement, les communautés des îles, elles étaient déjà relativement pauvres parce que c'était difficile d'accéder à ces îles, etc. Il y a des phénomènes de colonisation, mais où est-ce que c'est déjà que les mammifères introduits, ils avaient déjà fait finalement un peu des ravages dans ces communautés-là. Et il y a l'exemple fameux du dodo à l'île de la Réunion, hein, qui a disparu à cause non seulement de ses introductions, mais aussi de l'introduction humaine, hein, puisqu'il a été chassé par les hommes aussi. On est aussi, nous, une espèce envahissante. Hein, on y reviendra à la fin de cette émission pour savoir si l'espèce, parmi toutes les espèces, la plus envahissante, si finalement ça n'était pas nous. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons en ce lundi 3 septembre des espèces envahissantes tout au long de cette heure en compagnie d'Elsa Bonneau et de Franck Courchamp qui sont tous les deux chercheurs au laboratoire écologie, systématique et évolution de l'université Paris-Sud à Orsay. Est-ce que, Franck Courchamp, est-ce qu'il y a une sorte de schéma type de l'invasion? Est-ce qu'il y a un schéma d'invasion, un scénario d'invasion typique? Alors, oui, on peut dire dans les grandes lignes, il y a un certain nombre de barrières qu'une espèce envahissante doit franchir avant de devenir envahissante. Il faut d'abord qu'elle soit transportée dans un nouvel écosystème. Il faut ensuite qu'elle arrive à y survivre. Donc, étant donné qu'on parle d'une espèce qui arrive dans un nouvel écosystème, tout à l'heure je disais les espèces locales ne sont pas adaptées à cette espèce, mais l'espèce qui est introduite, elle non plus, souvent, n'est pas adaptée. Donc la plupart du temps, ces espèces-là, elles ne s'établissent pas. On parle de la règle des 10% en général. Il y a 10% des espèces qui sont introduites, qui vont réussir à s'établir. Une fois qu'elles se sont établies, il faut qu'elles se disséminent, qu'elles aient une aire géographique qui augmente. Et après, il faut qu'elles aient un impact. Et c'est vraiment toutes ces différentes étapes qui permettent de dire donc cette règle de 1%, 10% seulement vont s'établir et de celles qui s'établissent, 10% vont poser un problème. Donc on a 1% seulement. Faut voir que quand une espèce arrive dans un écosystème, l'écosystème il réagit. Il y a aussi des prédateurs, des parasites, des compétiteurs, même s'il y en a moins. Et il y a beaucoup d'espèces qui ne supportent pas les conditions climatiques ou d'autres types de conditions écologiques qui leur sont pas favorables. Donc toutes ne sont pas établies, et dans celles qui sont établies, toutes ne posent pas des problèmes. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est que ça dépend aussi un peu de la chance qu'on leur donne. Et on appelle ça le taux de propagule, c'est le taux d'introduction. C'est-à-dire que si finalement il n'y a que quelques individus de plantes ou d'animaux qui arrivent dans cet écosystème d'intérêt, enfin d'accueil, il y a peu de chances qu'elles arrivent à s'établir tout de suite. Mais si on les introduit 2 fois, 3 fois, 10 fois par les mêmes routes d'introduction, eh ben on va augmenter leurs chances de survie, d'implémentation et ensuite... Parce que diversité génétique, donc moins de consanguinité, donc oui, plus de probabilité. Ou tout simplement la chance. Oui. La chance, le nombre de reproducteurs potentiels. Je disais tout à l'heure, les espèces sont introduites soit volontairement, soit involontairement. Lorsqu'elles ont été introduites volontairement, notamment lors de la colonisation du globe, et là où souvent les Européens avaient envie de reproduire un petit peu leur écosystème local, et puis de mettre les petits oiseaux qu'ils voyaient, ou les fleurs qu'ils voyaient, ou même le gibier qu'ils pouvaient chasser. Là, les introductions ont été répétées, elles ont été faites dans les meilleures conditions possibles pour les espèces qui étaient introduites. Et donc, effectivement, l'introduction, là, en général, elle marche bien, et l'invasion, elle va assez rapidement. Beaucoup d'espèces qui ont été introduites dans les îles, par exemple les lapins, les cochons, ont été introduites par les marins qui passaient là et qui voyaient un moyen de peupler l'île de gibier pour la suite quand ils repasseraient ou si jamais il y avait un échouage dans le coin. Et donc il y a beaucoup d'îles qui ont été colonisées comme ça de manière vraiment volontaire. Oui. Et j'allais dire inversement aussi, quand il y a eu les colonisations et que du coup on a découvert d'autres continents, d'autres lieux, etc., on a voulu rapporter aussi les espèces qu'on voyait là-bas. Donc les espèces exotiques ont été rapportées, et notamment aussi à Paris, à la ménagerie, etc. Et donc tout ce qui est aussi ménagerie, zoo, etc., c'est un vecteur d'introduction parce qu'on veut un peu regarder et voir ce qu'on a vu dans les différents voyages ou rapporter aussi. Et on voit qu'il y a en l'occurrence bien un distinguo à faire entre des espèces invasives sur une masse continentale et des espèces invasives sur des îles. C'est évidemment sur les îles, ce que vous disiez tout à l'heure, Franck Courchamp, que les écosystèmes sont les plus fragiles parce qu'ils ont été isolés pendant longtemps. Mais néanmoins, on peut aussi avoir des espèces invasives sur le continent. Oui, bien sûr. Un distinguo à plusieurs titres. D'abord parce que effectivement les îles sont plus fragiles. Il y a une biodiversité qui est en général moins redondante, qui va lutter moins facilement contre une invasion, avec des espèces qu'on va dire naïves, c'est-à-dire qui n'ont jamais vu ce type de prédation, par exemple. Mais aussi parce que les espèces qui sont là, elles sont souvent uniques. Une espèce qui est sur une île, souvent, elle n'est pas sur une autre île à l'autre bout de la planète. Au contraire, dans les îles, on peut lutter contre les invasions de manière assez facile parce qu'on a un terrain qui est limité. Les contrôles et les éradications se font plus facilement par rapport à un continent où là, les invasions peuvent être là depuis bien plus longtemps, mais elles sont souvent plus difficiles à contrer. Comment est-ce qu'on estime, parce que on a parlé de choses différentes, l'invasion d'insectes, ça n'est évidemment pas la même chose que l'invasion de mammifères, il y a la chute de la biodiversité, mais il peut y avoir aussi de la chute dans la production, dans les récoltes, les herbivores qui s'attaquent à un certain type de plantes, il peut y avoir la propagation de maladies. Est-ce qu'il y a une échelle qui permet d'estimer à partir de quel niveau l'invasion devient toxique pour un écosystème? Non, c'est difficile d'avoir des seuils. En fait, en général, et ce qui est dommage, c'est qu'en général, quand on passe finalement un peu ce seuil où on observe des dégâts qui deviennent assez importants, ben, c'est ça le problème, c'est que comme on a déjà dépassé ce seuil, ben, on n'arrive plus à lutter contre. Donc effectivement, en général, on voit qu'il y a un seuil qui nous dérange ou qui dérange les services écosystémiques ou qui commence à faire des pertes de rendement dans les écosystèmes agricoles ou qui commence à développer des maladies ou au niveau des systèmes aquatiques, on commence à avoir un étouffement des milieux. Et en général, quand on voit, ben, c'est déjà trop tard. Du coup, on a déjà dépassé le seuil d'invasion et il est là, du coup, difficile de lutter contre. Et c'est comme ça, finalement, qu'on se rend compte, mais malheureusement, souvent trop tard. Oui, Franck Marchand. Récemment, il a été mis au point par une équipe internationale un système de catégories d'impact pour essayer de réunifier un petit peu tous ces types d'impact très différents. Et ce sont des catégories vraiment très qualitatives, c'est-à-dire un peu beaucoup à la folie. C'est plutôt ce genre de catégories. On n'a pas vraiment des catégories quantitatives parce que, comme vous le disiez, c'est difficile de comparer l'impact du frelon asiatique qui peut être assez facile à quantifier en théorie lorsque c'est sur une activité économique, par exemple sur les abeilles à miel, mais plus difficile à quantifier lorsqu'il s'agit de l'impact sur les pollinisateurs sauvages ou sur la pollinisation, le service de pollinisation qu'ils vont faire. Donc, comme on n'a pas vraiment de facilité pour pouvoir faire quelque chose de standardisé, on a pour l'instant des catégories qui sont des grandes catégories. Et comme le disait Elsa, il est très difficile de savoir dans quelle catégorie va arriver une nouvelle invasion. Et souvent, lorsqu'on le sait, c'est qu'on l'observe. Et lorsqu'on l'observe, c'est qu'il est un peu trop tard pour faire les choses facilement. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on a toujours espoir que dans l'écosystème où on va être, ça ne va pas arriver. Alors qu'on sait très bien que ça arrive dans les autres écosystèmes. Si je prends l'exemple de la perruche à collier, par exemple, que beaucoup connaissent, hein, c'est un petit oiseau, là, un petit perroquet tout vert, là. On sait que dans la ville de Barcelone, il s'est établi, il y a énormément de population. On ne connaît pas vraiment trop son impact, mais on sait que c'est un compétiteur qui l'utilise l'habitat, qui se reproduit de façon très importante. C'est la même chose à Londres. À Londres, il y a une énorme population de perruches à collier maintenant. Et à Paris, il commence à y avoir des perruches à collier un peu partout, etc. Mais on se dit que bah, finalement, peut-être qu'ici, il ne sera pas si invasif et on ne sait pas trop comment lutter contre. Et puis, on n'a pas trop envie parce que c'est un oiseau qui est joli, qui est mignon, qui est sympa. Et on sait qu'il va poser problème, c'est inéluctable. Il va poser mais quel type de problème, justement, sur une population, sur un écosystème urbain comme ça? On peut voir deux types de problèmes. D'abord, quand on met une espèce dans un écosystème, évidemment, il prend pas une place vide parce que la nature a horreur du vide et qu'il y a quasiment plus de vide. Donc il va prendre la place d'autres oiseaux, soit en prenant ses ressources alimentaires, soit en prenant ses trous dans les arbres ou ses endroits pour nicher. L'autre type de problème, c'est au niveau agricole. Le peu d'études qui existent actuellement montre un impact très important de ces grandes populations qui commencent à se constituer, qui peuvent ravager un vignoble, un verger, de manière assez rapide. C'est la question, parce que c'est vrai qu'on imagine, et puis c'est ce dont on parle, que ce soit sur des écosystèmes fermés comme les îles ou éventuellement sur un domaine continental, il y a des espèces invasives urbaines qui prolifèrent, on le voit pour les gens qui vivent en agglomération, très facilement. Et il y a aussi des mouvements de reflux. Par exemple, on voit qu'à Paris, les moineaux, qui étaient pourtant très très présents, ont quasiment disparu. On voit aujourd'hui beaucoup plus de corneilles. Quels sont les impacts que peuvent avoir justement ces espèces invasives au sein d'un milieu urbain? Est-ce que finalement, ça n'est pas une forme d'autorégulation avec le temps? Une espèce arrive, une autre s'en va, puis finalement, les choses vont changer au fur et à mesure. Elsa Bonneau, oui. Non, Franck Courchamp. Franck Courchamp. Alors, le problème de dire une espèce arrive, une autre s'en va, et c'est vrai que si on regarde mathématiquement, lorsqu'on a une espèce qui est introduite, si elle en élimine une seule, ce qui n'est pas toujours le cas, bon, bah, on ne perd pas forcément de la biodiversité. Des fois, on a tellement d'invasions qu'on a plus d'espèces avant qu'après. C'est par exemple le cas, il me semble, à Hawaï, où ils font une collection d'espèces envahissantes de plantes et d'animaux. Ils ont vraiment tout récupéré, les pauvres, un petit peu comme les Australiens. Mais si on regarde au niveau local, en fait, les espèces qu'on a perdues localement, on les retrouve nulle part ailleurs. Alors que les espèces qui ont été introduites, elles sont déjà un petit peu partout. Donc on a localement un gain ou pas trop de perte de biodiversité, mais mondialement, on a une perte énorme. On a une perte sèche. Si vous mettez des rats sur toutes les îles du monde et que vous perdez un seul oiseau sur chacune de ces îles, vous aurez perdu beaucoup de biodiversité au niveau mondial, alors qu'au niveau insulaire, vous n'aurez rien perdu, vous aurez plus un, moins un. C'est exactement ce qui se passe en Corse. Et après, je reviendrai sur les invasifs urbains. Mais en Corse, c'est exactement ce qu'on a observé hein, ces dernières décennies. Il y a eu vraiment un gros changement au niveau de la population, et animale et végétale, où finalement, on a gagné des espèces en Corse. Il n'y a jamais eu autant d'espèces que sur les îles de Corse, enfin sur la Corse. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des espèces continentales qu'il y avait déjà partout ailleurs. Et par contre, on a perdu des espèces vraiment, ce qu'on appelle endémiques, uniquement en Corse. Et si on revient sur les espèces proliférantes urbaines, alors moi, je préfère parler d'espèces proliférantes ou surabondantes, plutôt qu'envahissant. Envahissant, je le laisse aux espèces exotiques envahissantes. Mmh. Et donc, effectivement, dans la banlieue parisienne, là, on a le cas des pigeons, notamment, hein, qui est beaucoup, ou alors, effectivement, des corneilles et des corbeaux. Et effectivement, ça, c'est des phénomènes de... Ça peut s'autoréguler, mais c'est un peu compliqué. Et en fait, ça fait réponse à d'autres processus. En fait, pour les pigeons et les corneilles, c'est surtout qu'on est dans la métropole parisienne et qu'il y a énormément de ressources. Et c'est des espèces qui sont assez cosmopolites, qui peuvent manger un petit peu de tout et n'importe quoi, ce qu'on disait au départ. Et donc, ils ont un peu les mêmes stratégies hein, que les espèces envahissantes. Et comme il y a énormément de ressources et qu'il y a des petits refuges au niveau des parcs urbains, etc., à Paris, ben effectivement, les espèces, elles prolifèrent, et il n'y a pas finalement de phénomène de régulation qui peuvent arriver. Et ça, c'est encore un autre débat, mais on manque de prédateurs supérieurs qui permettent la régulation de ces espèces proliférantes. Oui, on va parler dans quelques minutes des solutions à apporter justement à ces différents types de prolifération ou d'invasion d'espèces. J'aimerais tout de même qu'on pose une question, c'est un point que vous aviez abordé quand on a préparé cette émission, Franck Courchon, que je trouve intéressant, sur une partie, parce que c'est un problème complexe, on l'a dit, qui a un coût important, que ce soit un coût écologique ou un coût économique, et pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de prise en considération forte des pouvoirs publics à propos de ce problème écologique-là. Et vous disiez, Franck Courchon, je trouve ça intéressant, qu'une partie du problème est effacée par une approche finalement très dualiste, très manichéenne, avec d'un côté les gentilles espèces autochtones, les gentilles espèces endémiques, et de l'autre côté les méchantes espèces envahissantes. C'est évidemment plus complexe que ça. Oui, c'est vrai que si on regarde les problèmes tels que la destruction des forêts ou le changement climatique ou la pollution des mers, c'est assez facile de voir qui c'est le méchant et qui c'est le gentil. Le méchant, c'est le mazout. Le gentil, c'est l'oiseau qui est pris dans le mazout. Le méchant, c'est le climat qui se réchauffe et le gentil, c'est l'ours polaire qui est en train d'en souffrir, la forêt, l'orang-outan, etc. Pour les espèces envahissantes, c'est un peu différent parce que tout ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ces espèces, et on va y revenir, c'est lutter contre des espèces vivantes. Et donc, pour paradoxalement protéger la biodiversité, on va avoir des actions néfastes sur une partie de la biodiversité. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que on n'est pas dans un système où on a un méchant et une victime, on est dans un système où on a deux victimes. On a une victime qui est l'espèce qui est impactée par l'invasion, et on a l'espèce qui envahit, qui est également une victime, parce qu'elle est mise dans un système qui n'est pas le sien, et même si elle a l'air de bien se porter, parce que c'est la définition de l'invasion, on va lutter contre elle, et c'est pas forcément bien pour cette espèce. Donc on a vraiment... On est face à un processus, c'est le processus des invasions biologiques qui est important, c'est pas juste l'invasion de telle ou telle espèce. Elsa Bonneau. Oui, est-ce que je peux donner juste un exemple très parlant ? Enfin, j'ai travaillé depuis un petit moment sur ces problèmes-là, et on a travaillé justement sur le chat dans les îles, dans les systèmes insulaires, et qui consomme énormément d'oiseaux marins. Et moi, quand j'ai travaillé sur ces îles-là, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais pourquoi vous voulez capturer des chats alors qu'ils tuent juste des oiseaux ? On s'en fiche des oiseaux, nous on préfère les chats. » Moi, je déteste pas les chats. C'est pas un problème. J'ai pas envie spécialement de capturer ou de porter, enfin, préjudice à l'espèce, à ces chats domestiques, etc. C'est juste qu'on essaye de voir de façon plus globale et qu'effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, si le chat il fait disparaître deux ou trois espèces d'oiseaux marins, c'est pas très grave. Mais par contre, s'il en fait disparaître 10, 15, 20 et qu'il y a des chats partout après sur toutes les îles de la planète et plus du tout d'oiseaux marins, bah, la niche écologique des oiseaux marins, les services écosystémiques rendus par les oiseaux marins qui consomment aussi dans le milieu marin. Il y a toute la chaîne alimentaire aussi qui va être impactée dans le milieu marin. Ça va avoir des impacts, un effet boule de neige énorme. Mais effectivement, on n'a pas spécialement envie d'aller capturer des chats dans les îles. I smell a rat, baby. I smell a rat. I smell a rat, baby. I smell a rat, baby. You I Smell a Rat de Big Mama Thornton sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons des rats entre autres, mais pas que des rats, nous parlons aussi des chats, nous parlons des frelons asiatiques, des moustiquaires, bref, nous parlons des espèces envahissantes. Alors, il y a un auditeur qui nous dit quid des espèces végétales, on parle, c'est vrai, essentiellement des espèces animales pour cette heure. On reviendra dans une autre émission sur le problème lié aux espèces végétales, mais qui sont des problèmes finalement qui ressemblent de proche, voilà, de près à ce dont on est en train de parler. Nous en parlons donc avec Elsa Bonneau, qui est enseignante chercheuse, et Franck Courchamp, qui est directeur de recherche CNRS, tous deux au laboratoire écologie systématique et évolution de l'université Paris-Sud à Orsay. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, dans les espèces invasives, il y a celles qui sont introduites par l'homme, comme le rat ou le chat, volontairement ou involontairement, et puis il y a celles qui progressent à cause de la modification d'autres facteurs, comme notamment le changement climatique. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette troisième saison, dites donc. Allez, vous vous êtes rendu à Sorbonne Université, à l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, pour comprendre comment un papillon d'Afrique du Sud est devenu invasif. Spodoptera littoralis, c'est le nom de ce petit papillon qui commence à gagner du terrain en France en remontant par l'Espagne. Son expansion jusqu'ici serait liée à deux causes, l'action de certains polluants et la hausse des températures. Ces facteurs favoriseraient la reproduction de l'insecte en perturbant leur neurophysiologie. J'ai retrouvé David Ciossa au département d'écologie sensorielle qui m'a présenté ses expériences en labo pour comprendre la modification comportementale de ce papillon. Des études sur tout ce qui est olfaction, comportement olfacto-induit, particulièrement sur les espèces invasives, notamment des modèles insectes, des ravageurs de cultures, comme par exemple le ravageur Spodoptera littoralis, un papillon, le ravageur du coton, qui est en train de remonter vers le nord avec le réchauffement climatique et qui commence à arriver dans le sud de la France. Donc là, on rentre dans l'insectarium. Oui, tout à fait. Voilà, c'est cette espèce-là. Donc là, vous avez la larve, donc qui est le stade ravageur. Hein, donc c'est cette larve-là qui induit le plus de dégâts. Quand vous dites que c'est une espèce invasive, est-ce qu'on arrive à déterminer son origine du coup ? Alors nous, là, pour cette espèce-là, l'origine c'est clair, c'est l'Afrique. Effectivement, elle est considérée comme étant invasive puisque elle commence à coloniser le sud de l'Europe et arrive dans le sud de la France. On arrive à dater départ de cette invasion ? Oui, on commence à... Donc dans les années 70, on a commencé à la voir en Italie et en Espagne. Et là, depuis les années 2000, commence à la voir en France, depuis un petit moment dans le Var. C'est-à-dire qu'on fait du repérage, on est sous un seuil critique. Il fait encore trop froid pour qu'ils arrivent à s'implanter in natura. Mais ça va peut-être changer, effectivement. Donc là, vous avez des animaux que je peux vous montrer. Alors, c'est des incubateurs, du coup, où on essaie de reproduire des conditions d'humidité, de lumière, de température. Et donc voilà, vous avez différents stades larvaires. Donc là, on voit qu'ils ont été incubés il y a une quinzaine de jours. Là, voilà, c'est une quinzaine de jours. Là, vous en avez des un peu plus âgés. Et donc là, le stade après, c'est qu'elle se recroqueville, comme ça, là, et elle se transforme ensuite, à l'étape suivante, en chrysalide. Donc ça, c'est important de prendre en considération ce paramètre température, parce qu'effectivement, et donc c'est un des enjeux de nos études sur les effets de la température, déjà, ce sont des animaux ectothermes, donc sensibles à la température, donc ça, on le sait, plus on augmente la température, plus le développement se passe vite, plus la physiologie est boostée, on va dire. Mais effectivement, du coup, techniquement, sur cette espèce-là, on essaie de comprendre aussi quels peuvent être les aléas, qu'est-ce qui peut perturber ce développement, les variations de température, les impacts des polluants et autres. Et donc, par exemple, là, on sait que certains polluants font qu'à une certaine température, on a une accélération du développement. Donc, pour le savoir, vous injectez en quantité infime des polluants pour mesurer un peu l'effet sans que ce soit létal. Oui, on recrée des conditions naturelles d'exposition. Donc, si par exemple, ce sont des métaux lourds ou des perturbateurs endocriniens, c'est souvent en fait les plantes qui sont exposées. Donc, les animaux s'alimentant sur les plantes, du coup, on les donne par ingestion. Si c'est un pesticide, souvent c'est soit du contact, soit une vaporisation. Et dans ce cas-là, on a des potter towers qui nous permettent en fait de vaporiser le pesticide et recréer une condition d'épandage en fait en champ. Et qu'est-ce que vous en faites des papillons une fois qu'ils ont éclos ? Alors nous ici, on a différentes approches. On peut donc soit faire du comportement, soit faire de l'électrophysiologie. Voilà, là, Vous avez une plateforme d'électrophysiologie sur laquelle en fait on est en mesure de connecter des électrodes et donc d'enregistrer les activités des neurones. Alors nous on le fait plus spécifiquement au niveau des antennes, donc du système olfactif des insectes, et donc derrière on essaie d'enregistrer les modifications d'activité. Donc là le système n'est pas complètement monté, mais là vous voyez une électrode en fait qui permet de plus facilement ou moins facilement planter certains organes, et ça on peut l'enregistrer. On a des activités électriques, alors on a des logiciels d'analyser un certain nombre de paramètres, et donc derrière on va voir par rapport à une hormone dans quelle mesure est-ce que ça répond, et en fonction du contexte environnemental de l'espèce et autres, voir dans quelle mesure c'est modifié. Ici on a plutôt des setups comportementaux. Donc là en fait c'est beaucoup de bricolage, hein, le comportement. On peut faire tout type d'études comportementales. Donc là on peut par exemple faire ce qu'on a ici, des olfactomètres 4 voies qui sont en fait tout simplement des arènes de comportement. On met l'animal au centre. Donc là en l'occurrence là c'est un modèle où on peut injecter sur 4 côtés différents une odeur. Et on peut enregistrer ensuite avec une caméra ce qui se passe dans l'arène, dans le comportement. Donc c'est un peu comme quand on étudie au-dessus d'une arène des souris en laboratoire et voir un peu comment elle se déplace dans un labyrinthe. C'est un peu le même principe puisque l'animal suit une trace phéromonale qui est finalement dispersée par le vent. Donc c'est très compliqué de suivre une odeur en fait. Et donc finalement, quelle est la prochaine étape? Étendre ces types de méthodes à d'autres espèces qui seraient invasives à l'avenir ici en France? L'idée, ça va être de toute façon de monter en puissance avec effectivement ces aspects. Est-ce que les polluants perturbent tout ça? Est-ce que le changement climatique perturbe tout ça? Est-ce que polluants et changement climatique, pareil, font une sorte de mixte un peu qui favorise ou au contraire perturbe? On en est là. Donc là, par exemple, on a commencé une étude sur effectivement l'interaction température effet des pesticides sur notre espèce, pour voir effectivement si à tel ou tel type de température les réponses des pesticides sont les mêmes, et est-ce qu'on a par exemple toujours ce fameux effet stimulation de la reproduction sexuelle, cet effet un peu Viagra en fait chez le papillon qu'on a pu démontrer. Que dans la méthode scientifique que vous entendrez parler de l'effet Viagra sur Spodoptera littoralis, le nom de ce papillon d'Afrique du Sud qui risque donc de devenir invasif chez nous, ce n'est pas encore le cas. Une réaction, Elsa Bonneau, Franck Courchamp, est-ce que vous venez d'entendre, Franck Courchamp ? Oui, on voit bien dans ce reportage qu'il y a deux effets du changement climatique sur les invasions. Pour ce qui est des espèces à sang froid, comme les insectes, c'est des espèces qui sont très sensibles à la température externe et donc au changement climatique. Et là, les deux effets, c'est d'une part toutes les fonctions physiologiques qui sont stimulées, donc l'alimentation, la reproduction, la dispersion, qui va faire que les espèces vont être de meilleurs envahisseurs, mais également les conditions de survie, tout simplement, avec des hivers qui vont être plus doux dans plus une plus grande surface du globe, et donc qui vont plus permettre l'établissement des espèces. Et sur les études qu'on a fait nous au laboratoire, sur toutes les espèces pour lesquelles on a enregistré un coût économique, on avait une moyenne de principalement 10, des insectes. Hein. Des insectes. Mmh. On avait une moyenne de 18% d'augmentation de régions qui vont devenir favorables à ces invasions. C'est donc quelque chose de vraiment énorme dû au changement climatique. Oui, moi ce que je vois, c'est que du coup, ça nous rajoute des couches supplémentaires. En fait, on a le problème des espèces envahissantes qui peuvent être ou non favorisées, ça dépend des espèces, par les changements climatiques. Tout ça, ça peut s'accélérer ou se modifier en fonction des polluants. Et en fait, nous, ce qu'on essaye un peu de faire, c'est surtout d'essayer de limiter la dose des polluants, limiter la vitesse du changement climatique ou limiter l'accélération justement de ces invasions-là pour justement laisser le temps aux écosystèmes de réagir, de s'adapter, parce que il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, mais vous êtes absolument réfractaires à tout changement, c'est bien que les espèces bougent, etc. » Oui, oui, bien sûr, mais il faut juste laisser le temps un petit peu à l'écosystème d'arriver à répondre, c'est les temps évolutifs. Et on n'est pas du tout fixiste, ça c'est vraiment un truc qu'il faut enlever, mais on veut que ça bouge, mais il faut laisser le temps à l'écosystème de bouger. en son temps. Le problème principal de ce réchauffement climatique en cours, de ce changement climatique, c'est bien sa rapidité, et c'est bien cette rapidité qui empêche les écosystèmes et les espèces de s'adapter progressivement. On va parler, il nous reste un petit quart d'heure, on va parler des solutions à apporter à ce problème, où déjà peut-on endiguer l'invasion d'une espèce. On peut prendre un cas très concret en ce moment, on a parlé tout à l'heure, le frelon asiatique, il est depuis 2004 sur notre territoire, il a voyagé dans des poteries, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, il est partout dans le sud de la France, il est parti en Espagne, il est parti en Italie. Est-ce qu'il fait des dégâts chez Apis mellifera, chez les abeilles à miel, entre autres, pas que, et aussi sur les populations de pollinisateurs sauvages? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut essayer d'endiguer? Quelles sont les solutions, Franck Courchamp? Alors, pour ce qui est du frelon asiatique, je ne vais pas être extrêmement optimiste. Ce qu'il faut voir, c'est que le frelon asiatique, on sait que l'invasion part d'une femelle, un seul individu, une femelle qui était fécondée, qui était dans une poterie effectivement en provenance de Chine, et que maintenant, on a des milliers de nids dans toute la France, qu'on commence à avoir d'autres pays européens qui sont envahis, que ce soit à l'est ou que ce soit au sud. Et donc, on se doute bien que si on n'arrive pas à une éradication totale de 100%, ça peut recommencer. Donc, ça c'est quelque chose. Sur les continents, c'est difficile d'envisager une éradication pour des espèces à dispersion aussi rapide et à augmentation de population aussi rapide qu'un insecte social. Maintenant, on sait le faire sur d'autres types d'écosystèmes. Sur des écosystèmes insulaires, par exemple, on sait éliminer totalement des populations de rats. Pourtant, les rats, c'est très prolifique. De lapins, de chèvres, de chats... Pas mal de mammifères. On sait les éliminer comment, simplement? Alors, il y a différentes méthodes. Non, en général, c'est plutôt soit par piégeage, par tir pour les grands mammifères. C'est pas des méthodes très bisounours, hein, puisque c'est une élimination de l'espèce. On peut pas se permettre, sauf dans quelques cas, comme les chats, par exemple, de faire des transplantations. Mais encore, c'est pas toujours la solution. Les transplantations, c'est-à-dire? C'est-à-dire de capturer des chats et puis de les donner à des gens qui vont les adopter. Mais quand c'est des chats, c'est pas des chats arrêts, c'est des chats qui vraiment vivent en conditions sauvages et souvent depuis des générations dans des îles, donc c'est pas forcément évident. On sait le faire aussi pour d'autres types d'animaux. Alors on sait le faire sur des plantes, on sait le faire sur des insectes aussi, y compris sur des insectes difficiles à contrôler comme les fourmis. Mais on sait le faire que sur des petites surfaces et des surfaces limitées pour pas mal d'espèces. Maintenant, l'éradication dans une région qui n'a pas de limite de frontières naturelles, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. C'est possible, mais c'est très difficile. Zabono. Oui, effectivement, comme on dit, une fois que l'espèce est arrivée, c'est très difficile de l'endiguer, surtout si elle a une reproduction très, très rapide. Et c'est vrai qu'on a peu parlé de plantes, on peut citer quelques exemples, hein, comme la colerpe ou en milieu marin. Alors en milieu marin, c'est encore plus difficile qu'en milieu aquatique, ou la jussie, qu'en milieu aquatique. Et en fait, le problème des plantes spécifiquement, c'est que ça a souvent une reproduction végétative. C'est que, on parlait du frelon asiatique, que si on a un seul individu, la population peut repartir. Là, c'est un tout petit bout d'individus. Si on a un petit bout, si on a un rhizome, une racine, etc., et ben ça peut repartir aussi. Et donc, si on n'a pas tout arraché, puis il y a la banque de graines pour les plantes. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, c'est vrai qu'en général, ce qu'on dit, c'est qu'une fois que l'espèce est là, si on n'arrive pas à la prendre tout de suite aux premières étapes de l'invasion, ben finalement, presque c'est trop tard. Et des fois, de lutter contre, c'est bien plus compliqué. Et des fois, on peut faire pire. Pour le frelon, on va peut-être balancer plein de pesticides et ça sera encore pire, finalement, les effets secondaires. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment arriver à renforcer la prévention et éviter au maximum que d'autres et des nouvelles espèces arrivent. Ça, c'est vraiment un point clé sur cette lutte. Franck Courchamp. Oui, c'est ce que je voulais dire également. On sait que prévenir, c'est mieux que guérir. C'est le cas pour les invasions biologiques. En fait, pour certaines espèces, on a même pu quantifier à quel point c'est mieux de prévenir que de guérir. Pour les moustiques, par exemple, on sait que c'est 10 fois plus cher d'essayer de contrôler une population qui est établie que d'essayer d'empêcher une population de s'établir. Une population qui arrive aux douanes et qu'on arrive à empêcher d'arriver dans un conteneur, par exemple, qui est contaminé, ça coûte pas grand-chose par rapport à une population qui est déjà introduite sur tout un territoire et qui se reproduit en permanence pendant que nous, on essaye de la contrôler. Donc, il y a le coût du contrôle, puis il y a le coût des dommages aussi qui doivent être ajoutés. Donc, c'est toujours beaucoup mieux de réagir le plus tôt possible, si possible avec de la prévention, sinon avec un système de détection rapide et quelque chose qui évidemment veut dire mettre de l'argent sur la table et des fois mettre beaucoup d'argent, mais ça peut éviter de payer des dizaines, des centaines de milliards plus tard. Pour prendre un contre-exemple, on a longtemps parlé de Caulerpa taxifolia qui est cette algue qui a envahi la Méditerranée suite au débordement de l'aquarium de Monaco, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et pour cette algue, vraiment qui posait des vrais problèmes, vraiment de destruction de l'écosystème, etc. A priori, sa population finit par reculer. Est-ce qu'on comprend ces mécanismes-là ou pas, Elsa Bonneau? C'est vrai que c'est difficile, il y a beaucoup de phénomènes qui nous échappent, mais souvent, en fait, finalement, cette Caulerpa taxifolia, elle a été remplacée par une autre Caulerpe, la Caulerpa racemosa, qui finalement est pire que la Caulerpa taxifolia. Donc finalement, en enlevant un problème, si un problème, on a pensé qu'il s'était auto-régulier de lui-même, finalement, il y a une autre espèce qui était envahissante derrière et qui prend la place et qui est même encore pire que cette espèce-là. Et souvent, on a des systèmes comme ça de réaction en chaîne avec des espèces qui vont faciliter l'arrivée d'autres espèces. Un exemple que j'aime bien et qui a été étudié par Elsa, c'est dans les îles de Méditerranée où le rat qui a été introduit bénéficie d'une plante qui vient d'Afrique du Sud, et il me semble, qui est une plante sucrée et qui lui permet de survivre toute l'année dans un climat très très sec. Et en même temps, le rat, lui, va disséminer les graines de cette plante qui est aussi introduite. Et donc, chacun des deux envahisseurs va bénéficier à l'autre et ils vont tous les deux envahir plus rapidement grâce à l'autre. L'avantage mutuel, oui. Pour le pire, en l'occurrence. Une question aussi peut-être un peu naïve. Est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'on a des exemples de populations envahissantes qui, à un moment donné, ont fini par se réguler, alors en atteignant peut-être un taux d'expansion critique ou qui sont revenus finalement à une forme de naturalisation plus classique? Alors, on a certaines espèces de fourmis qui sont vraiment parmi les pires envahisseurs et qui posent des gros gros problèmes à la biodiversité, à l'économie, même à la santé humaine. On a certaines espèces de fourmis qu'on n'arrivait pas trop à réguler et dont on s'aperçoit que finalement elles commencent à être un petit peu en recul par rapport à ce qu'elles faisaient toutes ces dernières décennies. On n'est pas encore au point où on arrive bien à comprendre pourquoi. Dans certains cas, comme Elsa le disait avec la Caulerpe, c'est parce qu'il y a d'autres espèces envahissantes de fourmis qui arrivent à lutter contre ces espèces. Et d'ailleurs, c'est avec des phénomènes assez intéressants, assez fascinants de compétition entre différentes espèces de fourmis. Mais des fois, c'est pas forcément dû à une espèce de fourmi envahissante et on sait pas trop pourquoi cette fourmi de départ commence à moins envahir. Elsa Bonneau, oui. Et puis surtout, une fois qu'il y a une espèce qui a été envahissante, en général, elle dure au moins quelques décennies, même si elle commence à régresser ensuite. Et donc, ça veut dire que les impacts qu'elle a eus sur les populations autochtones, donc les populations natives de cet écosystème, ces impacts, souvent, ils sont irrémédiables. Parce que même si ça ne va pas jusqu'à l'extinction d'une espèce, il va y avoir une réduction très, très importante de la population. Et au niveau génétique, il va y avoir énormément de pertes au niveau de la génétique propre de ces populations. Et on a une perte, du coup, pas d'espèce, mais une perte génétique qui peut ensuite entraîner des problèmes autres et au niveau de la survie de cette population, des différences plus profondes dans le fonctionnement de ces populations. Alors, au rang des solutions, il y a celle que vous venez d'évoquer, la capture, la chasse, l'éradication. Et puis, le gouvernement néo-zélandais, là, qui a de gros problèmes de rats, veut tenter une solution assez radicale, le forçage génétique. Vous pouvez nous expliquer, Franck Courchamp, en quoi ça consiste et si ça vous paraît être une solution légitime, intéressante ou peut-être un peu périlleuse? Alors, il y a plusieurs types d'interventions de ce genre et c'est pas nouveau. Il y a des essais pour stériliser génétiquement des mâles, par exemple, ce qui permet d'avoir une population qui va se reproduire moins bien. Et en même temps, on essaye d'augmenter la mortalité de manière artificielle. Donc on tape un peu des deux côtés sur la population. C'est des choses qui ont été faites beaucoup par le passé sur des insectes. Mmh, sur les moustiques, notamment. Les moustiques. Pour lutter contre le paludisme. Ou pas mal d'espèces nuisibles pour l'agriculture, où on faisait des relâchers de mâles stériles. Alors, je sais pas à quel point ça peut marcher pour les rongeurs. Il suffit qu'il y ait un mâle qui en réchappe et il peut inséminer un nombre fantastique de femelles. Il y a eu aussi pas mal d'essais de modifications génétiques qui ont finalement pas abouti parce que c'était c'est difficile. Lorsqu'on introduit dans une population soit un changement génétique, soit un vecteur, comme on a fait par le passé pour immuniser de manière vectorielle certaines espèces, c'est quelque chose qu'on peut pas récupérer. Une fois que c'est relâché dans la nature, on peut pas le récupérer, on le contrôle plus. Donc il y a des problèmes qui font que, comme on n'a pas le droit à l'erreur, il y a le principe de précaution qui arrive, qui font que ça peut limiter un peu tout ce qu'on n'avait pas prévu et qui pourrait quand même survenir. Il y a beaucoup de réticence effectivement autour de ces animaux OGM, puisque c'est ce que c'est, mais néanmoins, enfin voilà, est-ce que entre deux mots, je sais pas, Elsa Bonneau, lequel est le pire? Est-ce qu'il faut garder une population invasive qui fait des dégâts titanesques, ou est-ce qu'il faut tenter justement cette méthode de forçage génétique? Pour le moment, rien n'est encore fait en Nouvelle-Zélande. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est si on a une possibilité de réversibilité, moi j'allais dire pourquoi pas à titre expérimental. Effectivement, si on est sur un petit îlot, sur une petite île, qu'on relâche ces espèces, hein, ces organismes génétiquement modifiés, et qu'on voit que pour une raison ou pour une autre, ça se passe mal, ou il y a un souci, etc., bah, à ce moment-là, il faudrait pouvoir les renlever. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat et on joue un petit peu là avec la génétique, et c'est très difficile de savoir un peu jusqu'où ça va aller. Donc moi, je ne serais pas spécialement pour, sauf si vraiment si c'est à titre expérimental et qu'on arrive à contrôler un peu le phénomène. Franck Courchamp. On peut imaginer que pour tout ce qui est OGM d'animaux, entre guillemets, on ait des sécurités pour que ce qu'on a modifié ne passe pas d'une espèce à l'autre. Par contre, le but est de stériliser l'espèce, et de manière suffisamment efficace pour que toute la population soit en déclin. Les rats, ce sont des espèces qui, par définition, voyagent très bien, ont été introduits dans tous les grands groupes d'îles majeurs dans le monde et sur tous les continents. C'est difficile de s'en débarrasser sur un navire. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les Néo-Zélandais arrivent à convaincre le reste du monde que ils vont pas importer des rats porteurs de cette modification sur le reste du monde. Évidemment, on pourrait dire oui, mais on serait bien content avec un petit peu moins de rats. Mais si on avait une disparition totale des rats, et il y a plusieurs espèces de rats, il y en a certains qui sont endémiques et qui sont pas du tout commensales, c'est-à-dire qu'ils vivent pas aux dépens de l'homme, ça poserait vraiment des problèmes au niveau des écosystèmes en entier. Eh bien voilà, vous pouvez suivre, hein, il y a un papier dans le Science et Vie de ce mois-ci à propos de cette expérience de forçage génétique sur les rats de Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ces problèmes d'espèces envahissantes. Merci Elsa Bonneau, merci Franck Courchamp. Franck Courchamp, on peut vous lire sur Internet puisque vous êtes auteur d'une bande dessinée La Guerre des Fourmis avec Mathieu Huguetti, laguerredesfourmis.com. On a mis le lien sur le fil Twitter de l'émission. Vous pouvez retrouver tous les liens postés au cours de cette heure. Évidemment, nos podcast et anciennes émissions pour les réécouter comme d'habitude. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Némi Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Tom Hudenstock, c'est Olivier Bétard qui est à la réalisation et Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. La suite de vos aventures scientifiques de la semaine. Demain, on file sur Mars où l'on a découvert des tas de choses cet été, de l'eau, des molécules organiques. On vous raconte tout ça demain avec notamment François Forget. Mercredi, on fera le deuil de la neutralité du net. Jeudi, il sera question de l'effet Mathilda, ou quand les femmes scientifiques se font voler leurs découvertes par des hommes. Et pour notre vendredi fiction, le premier d'année, on parlera d'Uchronie. On se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.